La Louve de Paul Féval. Tome 2, deuxième partie, la comtesse Isaure. Chapitre 1, aventure de nuit. Après le départ de Céleste, le boudoir des demoiselles Feydeau resta vide. Quand le carrosse contenant la meunière et sa jeune compagne fut arrivé au bas du coteau, la meunière se pencha hors de la portière et jeta un regard vers le château. « Pousse tes chevaux, Jocelyn » cria-t-elle au cocher. « Il était temps. » Le cocher allongea un couple de vigoureux coups de fouet à son équipage. Le carrosse allait comme le vent et suivait cette route naguère illuminée où la cavalcade avait passé. Raoul, cependant, avait imité la meunière. Le manoir de Rohan élevait presque à pic au-dessus de l'endroit où ils étaient, sa masse noire festonnée de tours pointues qui se détachaient durement sur l'azur laiteux du ciel où la lune montait. Une seule fenêtre restait éclairée dans toute l'étendue de la sombre façade. C'était la croisée du boudoir. Raoul crut distinguer des ombres mouvantes qui se détachaient en silhouette sur le balcon au-devant de la fenêtre. « Avez-vous vu, madame ? » demanda-t-il en se penchant vers la portière. « Veille en avant de toi, l'ami, » répondit la femme au capuchon de bure. « Le danger n'est plus par derrière. » La route allait en descendant jusqu'au gué La Vache, situé dans la vallée au centre d'une petite plaine, moitié lande, moitié guéret, où ne poussaient que de rares pommiers. La forêt était en deçà et au-delà. C'était comme une vaste clairière. Le gué La Vache servait au passage des charrettes et des bestiaux. De là au pont Joly, on comptait une demi-lieue de pays. Comme on commençait d'apercevoir l'élargissement de la rivière qui marquait le gué, Raoul revint à la portière et dit d'une voix étouffée « Voyez !» Son doigt étendu montrait une prairie à droite du gué qui s'en allait rejoindre les taillis du côté de la fosse aux loups. La lune éclairait là de ses rayons vagues un spectacle véritablement fantastique. Un paysan de la Basse-Bretagne se serait cru à la nuit de la Toussaint, où pas une tombe ne reste close dans les cimetières et où la procession des trépassés, immense, interminable, déroule ses anneaux muets sur la lande, apportant la pierre mystique qui augmente chaque année le nombre des menhirs de Carnac. Mais ceux qui ont vu le cortège des spectres par une nuit de la Toussaint disent que tous ces morts bien alignés ont leur suaire blanc sur les épaules. Au contraire, la procession que Raoul voyait était comme une armée de noirs démons allant à la débandade. Leur marche faisait un bruit sourd et ils ne parlaient point. « J'ai vu, » répondit la meunière. « Il y a du temps que je vois. » Céleste se rejeta tout au fond du carrosse. Elle entendit que la meunière lui disait « Ne crains rien tant que tu es près de moi, chérie. » Cette voix allait au cœur de Céleste. 10 fois elle avait voulu demander par quel miracle la meunière avait échappé à l'incendie du moulin. Elle n'osait pas. Cependant, l'étrange procession qui coupait en zigzag la prairie avait de son côté aperçu le carrosse. La tête pressa le pas et un large cercle se forma tout à coup autour du gué. Il n'y eut pas un cri. Ce silence menaçait. « Ami Raoul, dit la meunière, il faut parlementer. »« À coup de pistolet, morbleu, interrompit le jeune cornette. Fiez-vous à moi, bonne dame. Je casserai les 2 premières têtes et mon épée fera le reste. »« Je ne dis pas que cela soit impossible, répliqua la meunière, mais les pères de ceux-là qui sont devant toi ont servi tes aïeux. Pousse en avant et demande-leur s'ils veulent donner passage au carrosse de Rohan. » Raoul obéit, et Dieu sait qu'il pensait bien plus à ce qu'on lui disait de ses pères qu'au danger présent. « Bonnes gens, cria-t-il de loin, laissez passer, je vous prie, le carrosse de Rohan. »« Comment t'appelles-tu, pantin de France ? » demanda insolemment un gars trapu et mal tourné, qui semblait le chef de la bande. Raoul était maintenant assez près pour distinguer l'habillement et la tournure de ces nocturnes voyageurs. C'étaient les loups, il n'y avait pas à en douter. L'uniforme général était la peau de bique et le masque de fourrure. « Le nom importe peu, » répondit le jeune officier. « Ce carrosse est à Rouen. Le voulez-vous laisser passer ?»« Et si ce n'était pas notre idée ?» demanda encore le chef. Raoul le vit ramener en avant sa carabine, qui était en bandoulière, et il entendit le tic-tac d'une batterie qu'on arme. Mais le loup n'eut pas le temps de mettre en joue. Un cri particulier, et que les gens des villes n'ont jamais entendu, s'éleva dans le silence de la nuit. Un cri qui contrefaisait admirablement cet aboi lamentable appartenant aux loups d'Europe et aux chacals africains. « La paix, Yomi !» firent plusieurs voix. « Ceux-ci sont des nôtres. »« Et qui me commande ici ?» s'écria le joli sabotier en frappant rudement la terre de la crosse de son mousquet. « Est-ce donc si difficile que d'apprendre à hurler comme un loup ? Je veux voir ce qu'il y a dans ce carrosse. » Le carrosse avait continué d'avancer. Il n'était plus qu'à quelques pas. « Regardez les armoiries, » dit Raoul. Pendant qu'on parlementait ainsi, la queue de la procession arrivait et se massait. Il y avait autour du guet une véritable armée. Le joli sabotier se mit au devant des chevaux qui s'arrêtèrent. « Place, » dit le cocher. « Tu fais là une triste besogne, cousin Yomi. »« Place, » répéta Raoul en s'élançant, l'épée haute sur le chef des loups. Mais la foule s'était déjà pressée autour de lui. Un vigoureux gars sauta sur la croupe de son cheval et le saisit à bras-le-corps. À la voix du cocher, le joli sabotier avait reculé d'un pas. Il remit sa carabine sur l'épaule. « Fallait parler, Josse, ma vieille, » dit-il. « J'aurais été bien fâché de te mettre une balle dans le corps. » Ce fut un grand cri dans la cohue quand on entendit ce nom. Tous crièrent. « Josse, maître Josselin, le fils à Dame Michon-Guitant, le voilà revenu. » Et mille voix demandèrent. « Avez-vous retrouvé notre bonne demoiselle à Paris, maître Josselin ?»« Nous parlerons de ceci une autre fois, mes amis, » répondit le cocher. « Faites place. »« Faites place, » répéta Yomi, puisque c'est l'idée de Josse. Point n'était besoin de cet ordre. Les loups se rangèrent de bon gré, formant deux longues haies des deux côtés du guet. Si quelques-uns s'approchèrent de trop près, ce fut pour essayer de toucher la main du fils de la Michon. Le voyageur Julot, celui qui avait découvert Paris, se démenait comme un diable pour prouver qu'il avait familiarité avec maître Josselin. Il fit tomber rudement à terre le bon gars qui s'était hissé en croupe derrière Raoul, et celui-ci, libre, piqua des deux pour se reporter en avant du carrosse. Le cousin Yomi poussa la courtoisie jusqu'à faire la conduite à maître Josselin entre les deux rangées de loups. « Depuis quand, mon vrai ami, lui dit-il tout bas, portes-tu la livrée du Sénéchal ?»« Depuis que le Sénéchal et toi vous faites une paire de compagnons, » répliqua Josselin. « J'ai vu une femme là-dedans, » reprit Yomi. « Est-ce que notre bonne demoiselle va danser au bal de Toulouse ?»« Notre bonne demoiselle est trop loin pour que tu la puisses trahir, cousin, » répondit le cocher. « Quant à celle qui est là-dedans, tu n'oserais pas la regarder en face. »« Voir !» s'écria le joli sabotier. « Nous avons deviné, mon homme. Tu mènes la comtesse de Toulouse, la femme de monsieur le gouverneur. Grand bien te fasse. Mais garde-toi seulement d'un grand diable à peau basanée qui chevauche aussi sur la route cette nuit et qui a nom Don Martin Blas. »« Merci !» dit une voix par la portière. Le joli sabotier s'arrêta court et chancela sur ses jambes comme si on lui avait porté un coup à la tête. Puis il se redressa et bondit à la portière. Il vit ce sombre capuchon qui cachait toujours le visage de la meunière, et la voix reprit. « Tu n'as pas gagné le prix du sang, Yomi. C'est à recommencer. » Ce qui était autour de Yomi le soutint. Sans cela, il fut tombé à la renverse. Le cocher toucha ses chevaux, qui reprirent le galop précédé par Raoul, tandis que les derniers loups criaient encore. « Bon voyage, maître Josselin, et à vous revoir vite. » Les curieux qui interrogèrent le cousin Yomi sur la cause de ce malaise subit qu'il avait pris en furent pour leur peine. Au fond du carrosse, la pauvre Céleste, demi-morte de peur, n'osait point rouvrir les yeux. « Le danger est passé, chérie, lui dit la meunière en la baisant. « Ne songe plus à cela et remercie Dieu. Cette nuit, tu verras ta mère. » Les loups traversèrent la prairie et firent halte sur la lisière du bois qui reprenait à 200 pas de là pour ne finir qu'aux portes de Rennes. Il existe encore, à l'extrémité de la promenade du Tabor, devant le jardin des plantes de la capitale bretonne, un chêne géant que 4 hommes ne pourraient ceinturer. La tradition prétend que du temps du roi Louis XV, ce chêne marquait l'extrême lisière de la forêt de Rennes. Maintenant, il faut faire 3 grandes lieues en partant du Tabor pour arriver aux premières tailles. Yomi appela près de lui une 12aine d'hommes qui ne le quittaient guère et qui étaient en quelque sorte ses gardes du corps. Il s'était servi d'eux déjà dans la journée pour son expédition contre le moulin de la fosse aux loups que le reste de la bande ignorait. C'étaient des coquins sans foi ni loi. « Les gars, » dit-il au gros de l'armée, « nous poussons un petit peu en avant pour reconnaître la route. Ne vous mettez pas en marche avant que je sois revenu. » Il prit en effet avec ses drôles la direction de Rennes, mais au bout de 5 minutes, il tourna brusquement et s'enfonça dans le fourré. « À la course, mes bellos !» s'écria-t-il. « Si nous arrivons à temps, chacun de nous rapportera sa pleine charge d'écus. » Les charbonniers du pays rennais ont encore aujourd'hui la coutume de laisser paître leurs petits chevaux en liberté dans la clairière. C'est une espèce chétive en apparence, qui ne ressemble pas plus aux belles races chevalines que le roquet ne ressemble aux dogues robustes ou aux vaillants lévriers. On les voit aller par longues files dans les chemins, la tête basse, agitant tristement la clochette fêlée qui pend à la rancolure éthique et cherchant les cailloux pour buter contre. Mais quand on les bat ferme, ils vont. Yomi et ses 12 pères rentrèrent dans la prairie par un autre point, enfourchèrent chacun un bidet et partirent au galop. Ils avaient en soin d'arracher les clochettes. Ils remontèrent ainsi la vallée de Vesvres, passèrent sans s'arrêter devant le manoir de Rohan, où ils prirent la route qui menait à Vitré, puis à la Gravelle, frontière de France. Là, le joli sabotier fit mettre pied à terre à sa troupe et la posta en embuscade dans les roches de marbre gris dont le gisement donna un nom au château de Madame la Marquise de Sévigné.